Alors, Camille, touchons un tout petit peu le plan économique. Le Tchad se félicite d'avoir procédé à une réduction drastique de la dette intérieure. Le ministre des Finances et du Budget tchadien souligne qu'aujourd'hui, le Tchad est à 170 milliards de francs CFA de dette intérieure, alors qu'en 2020, le pays était à 450 milliards de francs CFA. Faut-il applaudir ou bien? C'est une opération excellente parce que lorsque vous commencez à apurer la dette intérieure de votre pays, ça permet aux acteurs économiques, aux agents économiques de repartir, d'avoir du cash flow et à partir de là d'investir dans la production, de relancer leur machine économique, leur machinerie économique. L'opération d'apurer la dette intérieure dans un pays participe d'une stratégie, n'est-ce pas? De relance économique. Donc, à ce niveau, c'est une très bonne décision. Quand vous partez d'une dette intérieure de plus de 400 milliards, vous la réduisez en moins de 2 ans à près de 190 milliards, mais c'est une performance économique. Et ça crédibilise le pays en attendant que le pays ait davantage de marge. Ça crédibilise le pays, n'est-ce pas, par rapport à ce que vous appelez. Institutions internationales, donc bientôt les rôles même vont même s'arrêter. Donc ça crédibilise le pays, ça crédibilise la signature du pays au niveau international. Donc c'est une performance. C'est une performance qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'insistais, en passant, je voudrais saluer l'excellente analyse, hein, de Madame Larbaoui. Par rapport à ce qu'elle a dit au Qatar, oui, c'est une information qu'elle nous donne. Je n'avais pas ça vraiment en mémoire. C'est une excellente analyse qui permet de comprendre un peu le Qatar et de voir maintenant le positionnement du Qatar depuis qu'il y a l'opération militaire spéciale en Ukraine. On prend acte de ça. On espère que ce n'est pas une pure tactique et que ça s'inscrit dans une dynamique vraiment sérieuse pour désormais tourner le dos. N'est-ce pas, tourner le dos à un vieux passé qui a donné à ce pays une très mauvaise image. Donc, je salue ça. Donc, je tente d'indiquer que sur le plan économique, c'est de la performance. Ça permet aujourd'hui, non seulement, comme j'ai dit, de relancer la machine économique, mais quand la machine économique est relancée, l'État lui-même va récolter les conséquences. C'est même quand, ce ne serait-ce qu'en matière de taxes. Quand la machine économique marche, il y a un renflouement des recettes fiscales et, entre autres, l'État a la capacité de se déployer sur le plan économique, de réinvestir, n'est-ce pas, dans les projets structurants pour consolider la croissance. Donc, c'est une bonne chose. C'est de la performance. Il faut saluer ça. Maintenant, je disais que le maréchal avait vu ce projet. Tout à l'heure, quand je vous parlais du projet d'électrifier le Tchad, vous savez que l'électrification est la base d'une politique industrielle. Il n'y a pas de véritable décollage économique sans l'énergie électrique qui est disponible. Et la démarche du maréchal en diversifiant les partenariats économiques avec la Russie dans ce sens-là, il visait à faire passer le Tchad, à faire que le pays connaisse un bon économique. Vous savez que le Tchad est dépendant de ses matières premières, dont les prix sont fixés par le Tchad. Il y a une dépendance extraordinaire, une vulnérabilité du pays par rapport au pétrole, par exemple. Vous avez vu, chaque fois que le pétrole connaît des baisses, ça impacte terriblement le Tchad. Et ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. On a vu ça à l'époque où le maréchal était là. On a même vu que les Occidentaux utilisaient même ça comme arme pour déstabiliser le Tchad. On a vécu ça. Quand le Tchad a eu le conflit avec un groupe pétrolier, là, tout ça, on a vu comment on a utilisé le pétrole. Donc, il faut continuer dans ce sens à diversifier les partenariats. Le Tchad, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Une des raisons de la mort du maréchal aussi, c'est que vous allez voir les zones où il y avait les affrontements avec le FARC, là, hein, ces soi-disant rebelles, là où il a été tué dans le Kanem, je crois, à Nouko, vous allez voir, il y a un immense gisement pétrolier qu'on a découvert là-bas. Toute la zone du Fayal-Ajo, il y a de l'or. La bande d'Awozou, c'est un immense champ gazier. C'est sur des endroits-là, n'est-ce pas, où les rebelles, non seulement avaient une base active. Ah, ils avaient une base active, la bande d'Awozou, pardon, la bande d'Awozou, ils avaient une base active de fait. Et à partir de là, ils lançaient leurs attaques après être descendus de la Libye. Le pays a un potentiel extraordinaire. On espère que, n'est-ce pas, avec les changements géopolitiques qu'il y a dans le monde, qui vont être suivis par les changements géoéconomiques, un pays comme le Tchad va pouvoir transformer tout son potentiel qu'il a, n'est-ce pas, en une véritable manne économique qui va changer le train de vie du peuple tchadien. Afrique Média. Le monde, c'est nous.